Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Paul Verdier. Bonsoir. Bonsoir, donc tu es un humoriste de Nice ? Tout à fait. Voilà, et donc tu avais une petite galère à nous raconter. Tout à fait, c'est pas du tout en rapport avec le stress, parce que j'ai la chance de pas stresser beaucoup trop avant. Oui, parce que donc, l'anecdote de Karimo, qui était l'épisode précédent, était sur le stress, en effet. Et donc là, toi, ça n'a rien à voir, mais c'est une galère quand même. Non, il y a un peu de part, il y a un peu de ça, mais c'est juste, voilà, comme quoi le métier d'humoriste, c'est quand même de faire rire les gens. Et bah, y a des jours où on n'a pas tous envie de rire. Moi, ça m'est arrivé parce que j'avais eu un décès, en fait, la semaine qui passait un passage dans un bar. Et j'arrive avec aucune envie de jouer, rien du tout. Mais je m'étais engagé, donc forcément, je me suis dit, allez, je vais le faire, je vais jusqu'au bout. J'avais un nouveau sketch en plus, donc se rajoute à ça le stress du nouveau sketch, plus la non-envie de jouer. Je commence mon sketch, une minute, ça commence à bien fonctionner. Deux minutes, je vois les gens qui commencent à rire. Et à la troisième minute, moi, je me suis complètement arrêté parce que je n'avais plus du tout envie. Alors que j'avais mon texte, tout ça, mais voilà, il n'y avait plus rien qui voulait sortir. Et donc, tu t'es arrêté devant tout le monde, tu leur as dit, moi, je ne vais pas plus loin. J'avais expliqué d'abord à l'organisateur de la soirée, mais ouais, je me suis arrêté de suite et désolé, je ne peux pas faire plus. Et le public n'a pas cru que c'était une vanne ou... Non, ça va. L'avantage, c'est que c'était dans un bar, donc ambiance très cosy, vraiment, les gens connaissent, ils sont là pour l'ambiance. Donc ils vont pas juger, ils connaissent les participants en général, donc aucune question sur ça, c'est très bien. Et on a les autres humoristes ont pris le relais, tout est passé nickel. D'accord. Merci beaucoup à toi, Paul. Donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Pour le moment, je suis à Paulo Verdier sur Facebook, c'est ma page perso. Je vais aussi en créer une Paul Verdier normalement dans pas longtemps. D'accord. Donc ce sera la page. Là, c'est ton profil Paulo Verdier et la page ce sera Paul Verdier, c'est ça ? Je pense, ouais. Très bien. Bah, écoute, on te retrouvera très bientôt. Peut-être YouTube, Instagram, Twitter. Paulo Vart sur Twitter. Comment tu dis ? Paulo Vart. P-O-L-O-V-A-R-T-S. D'accord, ok, donc Paulo Vart sur Twitter. Ok, donc merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour cette histoire, d'avoir partagé avec nous cette petite galère d'humoriste. Voilà, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Sofiane Humoriste sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.